secret d'État explosif. 7000 pages qui racontent 30 ans de mensonges de la Maison Blanche. Deux journalistes prêts à tout pour la vérité. C'est légal, ça ? Meryl Streep, Tom Hanks, Pentagon Papers, publier ou se taire. Si nous, on leur demande pas des comptes, qui le fera ? Pentagon Papers, le film événement de Steven Spielberg, actuellement au cinéma. Un film Europe 1. Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Quel 26 janvier avez-vous choisi de nous rappeler ? Le 26 janvier 1926, nous sommes à Londres, le jour de la première démonstration publique de télévision. 26, vous vous rendez compte quand même ? Alors pour être précis, le dispositif avait déjà été présenté un an plus tôt au grand magasin Selfridges, mais le résultat était tellement médiocre à ce moment-là qu'on n'avait pas vraiment pu dire qu'il ait démontré quoi que ce soit. Alors, en ce 26 janvier 1926, devant la Royal Institution, on distingue sur un écran la silhouette d'un personnage filmé au même moment. J'insiste sur ce point, l'image est peut-être de mauvaise qualité, mais elle donne à voir ce qui est en train de se passer dans la pièce voisine. C'est donc le premier direct télévisé, 1926, grâce aux prouesses de l'ingénieur John Logie Baird, qui est un Écossais. C'est donc lui, l'inventeur de la télévision ? Alors oui et non, en fait, comme beaucoup d'inventions de cette envergure, on ne peut pas en accorder la paternité complète à tel ou tel. C'est le fruit de longues recherches dans différents secteurs. L'invention de la télévision, c'est aussi le disque tournant analyseur d'images qui lui avait été inventé par un Allemand, Nipkow. Et puis, c'est l'iconoscope, une sorte de tube qui permet la prise de vue. Ça, c'est l'invention d'un Russe, Vladimir Zvorykin. C'était en 1923. Baird, lui, a le sens des affaires. Il va commercialiser son téléviseur, c'est lui qui donne ce nom, on sera là en 1929. Il fonde sa société, la Baird Television Development Company, une société qui va fournir à la BBC ses toutes premières images de télé. Et alors, de quand datent les premières émissions ? Eh bien, justement, la BBC diffuse quelques émissions à partir de 1929. Alors, une demi-heure par jour seulement, cinq jours par semaine, et pour seulement quelques centaines de pionniers, avec 12 images par seconde, la technique ne séduit pas les foules, il faut bien le dire. Elle est d'ailleurs abandonnée au profit d'essais de télévision électronique, et plus tard, dans les années 50, ce sera la révolution de la télécouleur, bien sûr. Franck, on vous retrouve tout à l'heure à 14h, Musique Maestro. Eh oui, nous parlerons de ces hommes qui ont fait valser des générations de Viennois, les Strauss, père et fils.